Chapitre 13e. Le combat du faubourg Saint-Antoine, massacre à l'hôtel de ville. Monsieur le prince, qui avait eu quelques accès de fièvre tierce, alla jusqu'à Linas recevoir ses troupes qui revenaient des Tempes. Et comme la cour n'avait observé en façon du monde ce qu'elle avait promis, touchant l'éloignement des siennes des environs de Paris, il ne s'y crut pas plus obligé de son côté et il posta sa petite armée à Saint-Cloud, poste considérable, parce que le pont lui donnait lieu de la poster, en cas de besoin, où il lui plairait. Monsieur de Turenne, qui était avec celle du roi aux environs de Saint-Denis, où sa majesté était venue elle-même pour être plus proche de Paris, fit un pont de bateau à Épinay, en intention de venir attaquer les ennemis avant qu'ils eussent le temps de se retirer. Monsieur de Tavannes en eut avis, et il l'envoya aussitôt à monsieur le prince qui se rendit au camp en toute diligence. Il se leva vers le soir, et il marcha vers Paris, à dessein d'arriver au jour à Charenton, d'y passer la Marne, et de prendre un poste dans lequel il ne pourrait être attrapé. Monsieur de Turenne ne lui en donna pas le temps, car il attaqua son arrière-garde dans le faubourg Saint-Denis. Monsieur le prince en fut quitte pour quelques hommes qu'il perdit du régiment de Conti, et il manda à monsieur, par le comte de Fiesque, qui lui répondait qu'il gagnerait le faubourg Saint-Antoine, dans lequel il prétendait qu'il aurait plus de lieux de se défendre. C'est en cet endroit où je regrette, plus que je n'ai jamais fait, que monsieur le prince ne m'ait pas tenu la parole qu'il m'avait donnée de me donner le mémoire de ses actions. Celle qu'il fit en cette rencontre est l'une des plus belles de sa vie. J'ai ouï dire à Lègue, qui ne le quitta point ce jour-là, qui est homme du métier et qui est plus mécontent de lui que personne qui vive, qu'il y eut quelque chose de surhumain dans sa valeur et dans sa capacité en cette occasion. Je serais inexcusable si j'entreprenais de décrire le détail de l'action du monde la plus grande et la plus héroïque sur des mémoires qui courent les rues et que j'ai ouï dire à des gens de guerre être très mauvais, et je me contenterai de vous dire qu'après le combat du monde le plus sanglant et le plus opiniâtre, il sauva ses troupes, qui n'étaient qu'une poignée de monde, attaquées par M. de Turenne et renforcées de l'armée de M. le maréchal de La Ferté. Il y perdit le comte de Bossu, Flamand, La Roche-Giffard et Flammarin, et Haquet, du nom de Montmorency. Messieurs de La Rochefoucauld, de Tavannes, de Coigny, le vicomte de Melun et le chevalier de Fort y furent blessés. Esclainvilliers le fut du côté du roi, et messieurs de Saint-Mesgrin et de Mancini tués. Je ne vous puis exprimer l'agitation de monsieur dans le cours de ce combat. Tout le possible lui vint dans l'esprit, et ce qui arrive toujours en cette rencontre, tout l'impossible succéda dans son imagination à tout le possible. Jouy, qu'il m'envoya cette fois en moins de 3 heures, me dit qu'il avait peur un moment que la ville ne se révoltât contre lui, qu'il craignait, un instant après, qu'elle ne se déclarât trop pour monsieur le prince. Il envoya des gens inconnus pour voir ce qui se faisait chez moi, et rien ne le rassura véritablement que le rapport que l'on lui fit que je n'avais que mon Suisse à ma porte. Il dit à Bruno, de qui je le sus le lendemain, que le mal n'était pas grand dans la ville, puisque je ne me précautionnais pas davantage. Mademoiselle, qui avait fait tous ses efforts pour obliger monsieur à aller dans la rue Saint-Antoine pour faire ouvrir la porte à monsieur le prince, qui commença à être très pressé dans le faubourg, prit le parti d'y aller lui-même. Elle entra dans la Bastille, où la Louvière n'osa, par respect, lui refuser l'entrée. Elle fit tirer le canon sur les troupes du maréchal de La Ferté, qui s'avançait pour prendre en flanc celle de monsieur le prince. Elle harangua ensuite la garde qui était à la porte Saint-Antoine. Elle s'ouvrit, et monsieur le prince y entra avec son armée, plus couverte de gloire que de blessures, quoiqu'elle en fût chargée. Ce combat si fameux arriva le 2 juillet. Le 4, l'assemblée générale de l'hôtel de ville, qui avait été ordonnée le premier par le Parlement, pour aviser à ce qui était à faire pour la sûreté de la ville, fut tenue l'après-dîner. Monsieur et monsieur le prince s'y trouvèrent, sous prétexte de remercier la ville de ce qu'elle avait donné l'entrée à leurs troupes le jour du combat, mais dans la vérité, pour l'engager à s'unir encore plus étroitement avec eux. Au moins, voilà ce que monsieur en sut. Voici le vrai, que je n'ai su que longtemps depuis, de la bouche même de monsieur le prince, qui me l'a dit 3 ou 4 ans après à Bruxelles. Je ne me ressouviens pas précisément s'il me confirma qu'il était fort répandu dans le public de l'avis que M. de Bouillon lui avait donné que la cour ne songerait jamais sérieusement et de bonne foi à se raccommoder avec lui, jusqu'à ce qu'il connût clairement qu'il fût effectivement maître de Paris. Je sais bien que je lui demandai à Bruxelles si ce qu'on en avait dit sur cela était véritable, mais je ne puis remettre ce qu'il me répondit sur cet avis particulier de M. de Bouillon. Voici ce qu'il m'a pris du gros de l'affaire. Il était persuadé que je le desservais beaucoup auprès de monsieur, ce qui n'était pas vrai, comme vous l'avez vu ci-devant. Mais il était aussi que je lui nuisais beaucoup dans la ville, ce qui n'était pas faux, par les raisons que je vous ai aussi expliquées ci-dessus. Il avait observé que je ne me gardais nullement, et que je me servais même avec affectation du prétexte de l'incognito auquel le cérémonial m'obligeait, pour faire voir ma sécurité et la confiance que j'avais en la bonne volonté du peuple au milieu de ses plus grands mouvements. Il résolut, et très habilement, de s'en servir de sa part pour faire une des plus belles et des plus sages actions qu'il ait peut-être été pensée de tout le siècle. Il fit dessein d'émouvoir le peuple le matin du jour de l'assemblée de l'hôtel de ville, de marcher droit à mon logis sur les 10 heures, qui était justement l'heure où l'on savait qu'il y avait le moins de monde, parce que c'était celle où, pour l'ordinaire, j'étudiais, de me prendre civilement dans son carrosse, de me mener hors de la ville, et de me faire à la porte une défense en forme de n'y plus rentrer. Je suis convaincu que le coup était sûr, et qu'en l'état où était Paris, les mêmes gens qui eussent mis la hallebarde à la main pour me défendre, s'ils eussent eu loisir d'y faire réflexion, en eussent approuvé l'exécution, étant certain que dans les révolutions qui sont assez grandes pour tenir tous les esprits dans l'inquiétude, ceux qui priment sont toujours applaudis, pourvu que d'abord ils réussissent. Je n'étais point en défense. Monsieur le prince fut rendu maître du cloître sans coup férir, et j'eusse pu être à la porte de la ville avant qu'il y eût une alarme assez forte pour s'y opposer. Rien n'était mieux imaginé. Monsieur, qui eût été atterré du coup, y eût donné des éloges. L'hôtel de ville auquel monsieur le prince en eût donné part sur l'heure même en eût tremblé. La douceur avec laquelle monsieur le prince m'aurait traité aurait été louée et admirée. Il y aurait eu un grand déchet de réputation pour moi à m'être laissé surprendre, comme en effet j'avoue qu'il y avait eu beaucoup, et d'imprudence, et de témérité à n'avoir pas prévu ce possible. La fortune tourna contre monsieur le prince ce beau dessein, et lui donna le succès le plus funeste que la conjuration la plus noire eût pu produire. Comme la sédition avait commencé vers la place Dauphine, par des poignées de paille que l'on forçait tous les passants de mettre à leur chapeau, monsieur de Cumont, conseiller au Parlement et serviteur particulier de monsieur le prince, qui avait été obligé comme les autres qui avaient passé par là, alla en grande diligence au Luxembourg pour en avertir monsieur et le supplier d'empêcher que monsieur le prince, qui était dans la galerie, ne sortît dans cette émotion, laquelle apparemment, dit Cumont à monsieur, est faite ou par les Mazarins ou par le cardinal de Ré pour faire périr monsieur le prince. Monsieur courut aussitôt après monsieur son cousin, qui descendait le petit escalier pour monter en carrosse et pour venir chez moi et y exécuter son dessein. Il le retint par autorité et même par force. Il le fit dîner avec lui, et il le mena ensuite à l'hôtel de ville, où l'assemblée dont je vous ai parlé se devait tenir. Ils en sortirent après qu'ils eurent remercié la compagnie et témoigné la nécessité qu'il y avait de songer aux moyens de se défendre contre Mazarin. La vue d'un trompette qui arriva dans ce temps-là de la part du roi, et qui porta ordre de remettre l'assemblée à la huitaine, échauffa les peuples qui étaient dans la grève et qui criaient sans cesse qu'il fallait que la ville s'unît avec messieurs les princes. Quelques officiers, que monsieur le prince avait mêlés le matin dans la populace, n'ayant point reçu l'ordre qu'ils attendaient, ne purent employer sa fougue. Elle se déchargea sur l'objet le plus présent. L'on tira dans les fenêtres de l'hôtel de ville. L'on mit le feu aux portes. L'on entra dedans l'épée à la main. L'on massacra monsieur Legras, maître des requêtes, monsieur Janvry, conseiller au Parlement, monsieur Miron, maître des comptes, un des plus hommes de bien et des plus accrédités dans le peuple qui fussent à Paris. 25 ou 30 bourgeois y périrent aussi, et monsieur le maréchal de l'hôpital ne fut tiré de ce péril que par un miracle et par le secours de monsieur le président Barentin. Un garçon de Paris, appelé Noblet, duquel je vous ai déjà parlé à propos de ce qui m'arriva avec monsieur de la Rochefoucauld dans le parquet des huissiers, eut encore le bonheur de servir utilement le maréchal en cette occasion. Vous pouvez imaginer l'effet que le feu de l'hôtel de ville et le sang qui y fut répandu produisirent dans Paris. La consternation d'abord y fut générale. Toutes les boutiques y furent fermées en moins d'un clin d'œil. L'on demeura quelque temps en cet état, l'on se réveilla un peu vers les 6 heures, en quelques quartiers, où l'on fit des barricades pour arrêter les séditieux, qui se dissipèrent toutefois presque d'eux-mêmes. Il est vrai que mademoiselle y contribua. Elle alla elle-même, accompagnée de M. de Beaufort, à la grève, où elle en trouva encore quelques restes, qu'elle écarta. Ces misérables n'avaient pas rendu tant de respect au Saint-Sacrement que le curé de Saint-Jean leur présenta pour les obliger d'éteindre le feu qu'ils avaient mis aux portes de l'hôtel de ville. Monsieur de Chalon vint chez moi au plus fort de ce mouvement, et la crainte qu'il avait pour ma personne l'emporta sur celle qu'il devait avoir pour la sienne, dans un temps où les rues n'étaient sûres pour personne sans exception. Il me trouva avec si peu de précaution qu'il m'en fit honte, et je ne puis encore concevoir, à l'heure qu'il est, ce qui me pouvait obliger, en avoir si peu, dans une occasion où j'en avais, ou du moins où j'en pouvais avoir tant de besoin. C'est l'une de celles qui m'a persuadé, autant que chose du monde, que les hommes sont souvent estimés par les endroits par lesquels ils sont les plus blâmables. L'on loua ma fermeté, l'on devait blâmer mon imprudence. Celle-ci était effective, l'autre n'était qu'imaginaire, et la vérité est que je n'avais fait aucune réflexion sur le péril. Je n'y fus plus insensible quand l'on me l'eût fait faire. Monsieur de Caumartin envoya sur le champ quérir chez lui 1000 pistoles, car je n'en avais pas 20 chez moi, avec lesquelles je fis quelques soldats. Je les joignis à des officiers réformés écossais, que j'avais toujours conservés des restes du comte de Montrose. Le marquis de Sablonnière, maître de camp du régiment de Valois, m'en donna 100 des meilleurs hommes commandés par 2 capitaines du même régiment qui étaient mes domestiques. Quérieux m'amena 30 gendarmes de la compagnie du cardinal Antoine, qu'il commandait. Buzy-Lamet m'envoya 4 hommes choisis dans la garnison de Mézières. Je garnis tout mon logis et toutes les tours de Notre-Dame de Grenade. Je pris mes mesures en cas d'attaque avec les bourgeois des ponts Notre-Dame et de Saint-Michel, qui m'étaient fort affectionnés. Enfin, je me mis en état de disputer le terrain et de n'être plus exposé à l'insulte. Ce parti paraissait plus sage que celui de l'aveugle sécurité dans laquelle j'étais auparavant. Il ne l'était pas davantage, au moins par comparaison à celui que j'eusse choisi, si j'eusse su connaître mes véritables intérêts et prendre l'occasion que la fortune me présentait. Il n'y avait rien de plus naturel, et à ma profession et à l'état où j'étais, que de quitter Paris, après une émotion qui jetait la haine publique sur le parti qui, dans ce temps-là, paraissait m'être le plus contraire. Je n'eusse point perdu ceux des frondeurs qui étaient de mes amis, parce qu'ils eussent considéré ma retraite comme une résolution de nécessité. Je me fus insensiblement, et presque sans qu'ils eussent pu s'en défendre eux-mêmes, rétabli dans l'esprit des pacifiques, parce qu'ils m'eussent regardé comme exilé pour une cause qui leur était commune. Monsieur n'eût pas pu se plaindre de ce que j'abandonnais un lieu où il paraissait assez qu'il n'était plus le maître. Monsieur le cardinal Mazarin même eût été obligé en ce cas, et par la bienséance et par l'intérêt, de me ménager. Et il ne se pouvait même que, naturellement, l'aigreur que la cour avait contre moi ne diminua de beaucoup par une conduite qui eût beaucoup contribué à noircir celle de ses amis. Les circonstances dont j'eusse pu accompagner ma retraite eussent empêché facilement que je n'eusse participé à la haine publique que l'on avait contre le Mazarin, parce que je n'avais qu'à me retirer au pays de Ré, sans aller à la cour, ce qui eût même purgé le soupçon du mazarinisme pour le passé. Ainsi je fus sorti de l'embarras journalier où j'étais et de celui que je prévoyais pour l'avenir et que je prévoyais sans en pouvoir jamais prévoir l'issue. Ainsi j'eusse attendu en patience ce qu'il eût plu à la Providence d'ordonner de la destinée des deux parties sans courir aucun des risques auxquels j'étais exposé à tous les moments des deux côtés. Ainsi je me fus approprié l'amour public, que l'horreur que l'on a d'une action concilie toujours infailliblement à celui qu'elle fait souffrir. Ainsi je me fusse trouvé, à la fin des troubles, cardinal et archevêque de Paris, chassé de son siège par le parti qui était publiquement joint avec l'Espagne, purgé de la faction par ma retraite hors de Paris, purgé du mazarinisme par ma retraite hors de la cour, et le pire du pire qui m'en pouvait arriver, après tous ces avantages, était d'être sacrifié par les deux parties s'ils se fussent réunis contre moi à l'emploi de Rome, qu'ils eussent été ravis de me faire accepter avec toutes les conditions que j'eusse voulu, et qui, un cardinal archevêque de Paris, ne peut jamais être à charge, parce qu'il y a 1000 occasions dans lesquelles il a toujours lieu d'en revenir. J'eus toutes ces vues, et plus grandes et plus étendues qu'elles ne sont sur ce papier. Je ne doutais pas un instant que ce ne fussent les justes et les bonnes. Je ne balançais pas un moment à ne les pas suivre. L'intérêt de mes amis, qui s'imaginait que je trouverais à la fin, dans le chapitre des accidents, lieu de les servir et de les élever, me représenta d'abord qu'ils se plaindraient de moi si je prenais un parti qui me tirait d'affaire et qui les y laissait. Je ne me suis jamais repenti d'avoir préféré leur considération à la mienne propre. elle fut appuyée par mon orgueil, qui eût eu peine à souffrir que l'on eût cru que j'eusse quitté le pavé à monsieur le prince. Je me reproche et je me confesse de ce mouvement, qui eut toutefois en ce temps-là un grand pouvoir sur moi. Il fut imprudent, il fut faible, car je maintiens qu'il y a autant de faiblesse que d'imprudence à sacrifier ses grands et solides intérêts à des pointilles de gloire, qui est toujours fausse, quand elle nous empêche de faire ce qui est plus grand que ce qu'elle nous propose. Il faut reconnaître de bonne foi qu'il n'y a que l'expérience qui puisse apprendre aux hommes à ne pas préférer ce qui les pique dans le présent à ce qui les doit toucher bien plus essentiellement dans l'avenir. J'ai fait cette remarque une infinité de fois. Je reviens à ce qui regarde le Parlement.